Chapitre 8. Tandis que je me promenais ainsi pour exciter ma verve, une jeune et jolie femme qui logeait au-dessous de moi, étonnée du tapage que je faisais, et croyant peut-être que je donnais un bal dans ma chambre, débuta son mari pour s'informer de la cause du bruit. J'étais encore tout étourdi de la contusion que j'avais reçue lorsque la porte s'entr'ouvrit. Un homme âgé, portant un visage mélancolique, avança la tête et promena ses regards curieux dans la chambre, quand la surprise de me trouver seul lui permit de parler. « Ma femme a la migraine, monsieur, me dit-il d'un air fâché. Permettez-moi de vous faire observer que... » Je l'interrompis aussitôt, et mon style se ressentit de la hauteur de mes pensées. « Respectable messager de ma belle voisine, me dis-je, dans le langage des bardes, pourquoi tes yeux brillent-ils sous tes épais sourcils, comme deux météores dans la forêt noire de Cromba? Ta belle compagne est un rayon de lumière, et je mourrais mille fois plutôt que de vouloir troubler son repos. Mais ton aspect, ô respectable messager, ton aspect est sombre comme la voûte la plus reculée de la caverne de Camorra, lorsque les nuages amoncelés de la tempête obscurcissent la face de la nuit et pèsent sur les campagnes silencieuses de Morvan. Le voisin, qui n'avait apparemment jamais lu les poésies d'Ossian, prit mal à propos l'accès d'enthousiasme qui m'animait par un accès de folie, et parut fort embarrassé. Mon intention n'était point de l'offenser. Je lui offris un siège et le priai de s'asseoir. Mais je m'aperçus qu'il se retirait doucement et se signait en disant à demi-voix « Emato perbaco, emato !»